Planet Rap. À partir de maintenant, Skyrock Planet Rap. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Ali. C'est Ali. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Ali, c'est maintenant sur Skyrock. C'est parti, c'est la troisième soirée, troisième soir de Planet Rap avec Ali. Bienvenue. Merci. Ça va, en pleine forme? Très bien, sur Marcy. Content de te recevoir pour cet album. Merci, qui s'appelle... Content d'être là. Qu'il s'appelle Que la paix soit sur vous et qu'on va découvrir ce soir une fois de plus. Il y aura des extraits, on va revenir évidemment aussi sur les deux précédents opus. Exact. K.O. et Harmony, le rassemblement. Exact. Et juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. C'est le replay de la veille, tout de suite pour débuter Planet Rap. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. La sortie, c'est donc le 2 mars, Que la paix soit sur vous, qu'on va continuer à découvrir. Avec des paroles, tu disais, millimétrées, choisies, pesées. Et tout d'ailleurs autour de cet album, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé hier, mais il y a un visuel qui accompagne cet album aussi, ouais. Qui est important pour toi aussi, qui, L'importance, on va dire, oui, c'est la réussite d'avoir ce que je voulais en mieux. Tu sais, c'est comme une couleur musicale. T'as certaines sonorités qui te mettent dans un état de bien-être ou d'autres qui te mettent dans un état un peu plus dépressif. Là, je voulais quelque chose qui te fasse sentir bien. Dialogue, la vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Planète Rap. Opérationnel entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. Opérationnel entre terre et ciel, invisible et le rationnel. J'entretiens le relationnel. Opérationnel. Quand t'as commencé à faire du rap, tes parents l'ont vécu comment à ce moment-là? Ils étaient au début, ils ont écouté. Tu leur faisais écouter ou... Non, parce que j'étais petit, je faisais ça dans mon coin avec mon petit frère. Je me rappelle, on enregistrait sur des cassettes et c'était vraiment comme Vito a dit, c'était un plaisir, tu vois. C'était de la rigolade plus qu'autre chose, mais il y avait un vrai kiff aussi, tu vois. J'avais un texte où je disais, parmi les bandits, j'ai grandi, aujourd'hui me voici celui que les gens de la rue appellent le hip-hop, junkie. Et ma mère, une fois, m'a entendu rapper ça, m'a dit, mais avec quel bandit t'as grandi, toi? Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? C'était le kiff, tu vois, c'était vraiment le kiff. Après, en grandissant, le crime, bien sûr, je veux pas le faire écouter à mes parents. Aujourd'hui, le rassemblement, je peux le faire écouter à mes parents. Harmonie, même encore ça, je peux l'expliquer à mes parents. Que la paix soit sur vous. C'est un honneur et un bonheur de dire voilà, j'ai fait une œuvre intitulée Que la paix soit sur vous, au-delà de la musique. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire, ouvrez, commencez à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire, ouvrez, commencez à rapper. Qui veut la guerre se prépare à la paix. Qui ne veut pas se taire, ouvrez, commencez à rapper. Alerté, mon ART, appel à la paix. ART. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir et ce soir s'ouvre une nouvelle page avec toi. Exactement. Et puis cet album, Que la paix soit sur vous, il arrive lundi, ça y est, lundi 2 mars dans les bacs, 10 ans après le premier album solo, sur lequel on va revenir ce soir aussi. Exact. On va parler de cet album avec notamment le titre avec lequel on ouvre. Il s'appelle Dialogue. Tu veux peut-être dire un mot aussi sur les gens qui n'étaient pas là en début de semaine. C'est un morceau important de l'album. C'est un morceau très important aussi bien dans la thématique que dans, je veux dire, dans la construction musicale, dans le beatmaking, dans la couleur. J'ai bien aimé la dynamique. Et aussi dans le rapport aussi dont on avait parlé familial avec Tayeb, Thierry Ludier, que je resalue encore. Et là, j'aimerais parler des beatmakers justement qui ont contribué à ce titre. Donc Grim Reapers qui ont fait ce titre et qui sont très actifs dans la scène underground. J'aime pas trop utiliser les termes. En fait, Fred, c'est quoi en français underground? Bah, c'est sous-sol. Enfin, sous-sol. Il y a pas un autre terme grec pour. Pour le terme stretch, français, stretch. On peut dire, je sais pas. Ouais. Hein. Bien vu. Non, mais t'as raison. On peut dire Skyrock. On peut dire indépendante. Une scène indépendante aussi. Ouais. Indépendante. Ouais, c'est, on va dire, c'est ce qui se rapproche le plus. Et voilà, donc Grim Reaper, c'est très actif dans la scène indépendante. Mmh. Et un très bon morceau. Ils ont respecté un petit peu le thème de départ qu'on s'était donné quand on s'était tous réunis avec le beatmaker. C'est-à-dire avoir des rythmiques bien présentes. Et là vraiment, comme on dit, il y a du kick dedans. C'est des gens que tu choisis comment d'ailleurs que ce soit au niveau des sons, des sonorités En général, c'est des rencontres. Et bien sûr, la sonorité me parle. Ça veut dire qu'il y a une touche, il y a vraiment... C'est très large parce qu'en fait entre Ouzouane qui a fait Survivant et Krone et Grim Reapers qui ont fait Dialogue, c'est deux univers totalement différents. Ça veut dire que musicalement, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même une homogénéité dans la rythmique. Mmh. C'est du classique. Même, je dirais, il y a une homogénéité même sur l'ensemble des trois albums. D'ailleurs, quand tu les prends, quand tu les réécoutes, il y a une patte particulière, il y a une couleur particulière, hein, les morceaux sur lesquels tu poses. C'est très hip-hop. Mmh. La patte, elle est là. Donc ça sonne ni pop, ni rock'n'roll, ni... Mais autre chose, c'est vraiment hip-hop. Quoique Dialogue, quand on l'écoute bien à la fin, on peut se poser des questions. Justement, tu vois, on en avait parlé, tu sais, c'est pas un côté rock, hard rock, pas du tout. Pour les connaisseurs, ça va plus vers le blues qu'on écoute. Donc, c'est toujours en osmose avec l'univers et la couleur de l'album. Ça s'appelle Dialogue, en tout cas, on débute le Planète Rap avec. C'est extrait de l'album d'Ali qui sort le 2 mars. La vie n'est pas un monologue, adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues, nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog, mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de ces beaucoup de tragédie à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques, près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier nouba. Bâtisseur de la paix d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat, ni de l'ENA, ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages Po. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Que la paix soit sur vous, c'est extrait de l'album d'Ali, notre invité toute la semaine, entre 20 et 21. Le morceau s'appelle Dialogue sur Skyrock. Et puis on l'a dit, Ali, évidemment, c'est une carrière, mais t'as aussi conscience qu'il y a des gens qui vont te découvrir, Ali. Ouais. Bah, ça t'y pense aussi, parfois. Ouais, bien sûr. En disant, voilà, comment j'ai envie de leur expliquer ma musique, comment on doit prendre mon album, mes morceaux. C'est pas des questions que je me pose. Tu vois, non. À un moment, la musique et l'art en général, c'est comme une peinture, tu laisses la personne l'interpréter, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est comme une lecture, chacun va lire le livre différemment. Donc je pense que pour un album, c'est pareil. Il y a déjà les textes dans le livret, ce qui peut te permettre d'approfondir le sujet et pas rester dans des flous. Et après, si tu veux creuser, si t'as ton idée, c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Je pense à ça parce que c'est vrai qu'hier, on avait un freestyler qui s'appelle Vito, qui nous appelait de Rodez par téléphone, qui lui te connaissait. Il avait 17 ans. Parce qu'il y a une transmission, parce que le grand frère, a priori, écoutait du rap. Donc, forcément, il y a un moment ou un autre, il y a les oreilles, Ali est passé par ses oreilles. Mais il y a aussi des gens, qui n'ont peut-être pas cette transmission parce que, pour plein de raisons, fils unique ou pas intéressé, ou les grands frères, grandes sœurs, pas intéressés au rap, pas intéressés à cette musique, et qui vont peut-être tomber sur toi, sur ton discours et se dire, ah, c'est vrai que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre, mais c'est aussi du rap avant tout. Il y a cette essence du rap d'ailleurs qui continue à exister. Je pense à des gens comme Lino qui sont revenus cette année, en début d'année 2014, sans parler d'Aya, mais ils sont là sur scène depuis des années. Tu vois, c'est Youssoupha qui reviendra en 2015, ouais. Je pense qu'il doit te toucher aussi, Youssoupha, boulot, de ce qui. Bien sûr, ce que je te disais la dernière fois, c'est que le fait de travailler dur, tu reconnais qu'il travaille dur aussi. Et au-delà des oreilles, tu vois, les oreilles, faut les laisser de côté, faut pas s'en occuper, c'est une histoire de cœur. Je pense que il y a un moment l'amour d'une chose qui réunit les gens, tu vois. Donc je pense que ça va plus vers ça. C'est une histoire de cœur à cœur, quoi. Mais est-ce que t'aurais une formule ou une pensée, voilà, pour les gens qui vont tomber sur toi, de dire allez quand même jeter une oreille sur mon album. Non, tu laisses libre les gens. Et je leur dis, c'est une histoire de coup de cœur. Voilà. S'il ressent un coup de cœur, allez-y, penchez-vous sur l'album. Même pour moi, c'est un meilleur retour parce que voilà, tu sais, c'est un vrai rapport. Parce qu'un coup, j'avais ce rapport-là de s'il vous plaît, écoutez, je l'aurais fait depuis très longtemps. Je prendrai un moyen beaucoup plus rapide, je formaterai ma musique. Il y a une façon de faire, il y a une façon industrielle de le faire. C'est pour toute chose, c'est que ça soit dans le pain ou dans toute autre forme de créativité. Il y a une façon artisanale qui prend du temps. Et il y a une façon très très industrielle qui va à la va-vite et qui va à ceux qui sont très consommateurs et qui se consument justement dans ce mouvement très rapide et très éphémère. Je veux pas rentrer là-dedans. Toi, t'es un artisan, c'est le bon terme, artisan. J'espère l'être. C'est pas moi de le dire, c'est à ceux qui connaissent vraiment le métier de le dire. C'est pas moi de le dire. Mais c'est vrai qu'il y a ça, je trouve. Je prends mon temps. C'est vrai que artisan, c'est le bon terme, en fait, je trouve. Parce que voilà, il y a cette recherche, ce côté pointilleux, on l'a évoqué hier aussi, même dans le visuel. D'ailleurs, les gens qui vont le prendre en précommande peuvent le prendre aussi en support physique. Il sortira dans les deux choses. Mais c'est vrai que le support physique, il y a aussi encore un travail en plus qui a été fait. Parce qu'il y a une pochette, parce que la pochette est pensée. La pochette, on en a déjà parlé, je vais en reparler parce que c'est une véritable aventure. Le graphiste Iwan Graphics, qui est devenu un ami. Iwan, on a commencé, on était presque un an sur la pochette, à me proposer différents, tu vois ce que je veux dire. Ton rire, il est légitime. Et je le comprends. Non, je me moque pas, mais j'ai pas dit que c'était une moquerie. Je comprends la surprise parce que aujourd'hui, oui, tout va vite. C'est plus en surprise, ouais. Tu vois, on tout va vite. Ça veut dire que, ok, on prend une photo, on met une typo et c'est fini. Non, c'est du travail qui prend du temps. C'est comme pour le mix avec Reptile, avec Cyril Noton. C'est du temps et on apprend à se connaître avec le temps. C'est-à-dire qu'un coup, t'arrives à être patient dans des moments où ça y est, le stress commence à monter et que t'arrives à surmonter ça, c'est que humainement, il y a un cheminement que ça peut aller vers de l'amitié, c'est précieux, on va dire. C'est ce qui s'est passé avec Iwan, avec Samba, avec Yacine, les gens qui ont contribué, et avec Siliba aussi, je le salue. C'est des gens, déjà d'une, qui aiment le hip-hop, qui sont hip-hop, qui font partie de la culture. Donc, on s'est senti investi de représenter une fois de plus, tu vois. On s'est pas senti investi d'une mission, mais de représenter. Tu sais, le terme. Représenter. Ouais. Terme noble. Très fort. Représenter. Exact, je te remercie. Vraiment, je te remercie pour ce terme noble. Tu sais, c'est comme la boxe, tu sais, on l'appelle le noble art. Mais si tu le vois d'une façon agressive et sanguine et sanguinaire, ça deviendra bestial. Et j'en parle dans Lotus. Il y a la foule qui veut le côté sanguin, l'agressivité, mais il y a un côté noble, il y a un côté artistique qui demande du temps. Donc les connaisseurs en boxe vont appeler ça le noble art. Et je te remercie pour avoir Ah bah, utiliser ce mot. Ouais, noble. Ça me fait penser à ça. C'est vrai qu'il y a un côté noble. Merci. Représenter, c'est pas uniquement représenter un territoire, un département, parce que je pense que toi aussi, t'es un petit peu loin de ça aussi. Voilà, c'est. J'en avais parlé dans KE Harmony, les murs de mon 92 n'ont pas limité mon esprit. Ça veut dire que ça fait depuis longtemps que je suis pas rentré dans ces ghettos de l'esprit, tu vois. On parlait beaucoup de ghettos, et les vrais ghettos, tu sais, c'était Varsovie, c'était l'apartheid, c'était. Donc on a utilisé des mots. Où à un moment il y a une ghettoisation qui est réelle, c'est des zones de non-droit et des injustices sociales. Après, le terme ghetto, pour nous ici en France, il est très très. C'est plus un ghetto de l'esprit, c'est un ghetto mental, c'est un renfermement qu'on se fait aussi soi. Bien sûr, socialement, c'est pas facile. Il y a des injustices et j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'on en a parlé déjà plusieurs fois, ça a été très très accentué sur KO Harmony. Mais. Faut savoir aussi employer les mots, tu vois. Et en parlant du côté noble, j'avais une phrase dans Salem, quand les mots blessent, l'homme perd de sa noblesse, tu vois. Donc à un moment, faut savoir aussi utiliser les mots. Et Ali, je te remercie une fois de plus pour nous redonner ce côté noble à ce mouvement. Ali, avec nous, que la paix soit sur vous, c'est le nom de cet album qui sort le 2 mars. On se replonge sur quoi? Sur KO Harmony, le rassemblement. Rassemblement. Rassemblement. Avec quel morceau? Ouais, mafia, parce que très bien. Sérieuse, tu vois. Et ben justement, tu sais quoi, on va reparler du terme mafia. Pour l'instant, on va écouter les paroles. Très bien. Parce que tu le décris assez justement, d'ailleurs. J'essaye de ne pas m'être trompé, tu vois. J'espère ne pas m'être trompé ma compréhension. C'est vrai que ça fait aussi partie des mots qui ont été utilisés plein de sources différentes. Et qui ont été détournés de leur sens. Et t'avais fait un rappel, d'ailleurs, sur cet album, Le Rassemblement, avec le terme mafia. On l'écoute, on en reparle juste après. Mafia, comme les Sarrasins en Sicile. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missile. OP, ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. La paix du crime, c'est criblé de balles, criblé de têtes. Je viens dribbler le mal, dribbler la bête. Béné, je veux la bénédiction dans les vêtements et les plâmes. Une couche, il le sait, me met la viande saine dans les peines. Béné sont les aînés, de voir le respect des gosses en pénurie. Et la violence élargir son écurie. Écœuré par l'illicite, de l'amour à l'aval, de la tire à la tuerie. Des premiers délits à la cavale, dans les épreuves, l'orgueil se ravale. Ce qui n'a pas de prix se révèle à l'esprit. C'est dans les épreuves que l'envie de paix s'embellit. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Mafia, mafia, mafia. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Mafia, mort à la France, de l'Italie est la paix. Ces mots ne sont pas de ma foi, ma voix est celle qui invite à la sérénité où la lumière et l'amour se mêlent. Pour ne faire qu'un, comme bravoure et témérité. J'espère voir enterrer les armes en calabre, ce qu'elles ont apporté de macabre. Que chaque quartier retrouve cette paix qui inspire les arbres à palabres. Mur ou pourri, on est comme des fruits puisant dans la même sève. Bon ou mauvais, Abel et Cain étaient issus de la même Ève. Révérend King a vu noir et blanc dans le même rêve et dans la même réalité. Hajel Shabazz a vu l'humanité comme un seul corps qui se prosterne et se lève. Quelle miséricorde pour un pieux et mafieux. Allah fait que chaque matin le même soleil se relève. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Mafia, mafia, mafia. À l'heure où sur l'Irak pleuvent les missiles, j'arrive avec la paix pour missive. Ma troupe est massive, j'ai trouvé ma cible. Shoot l'ignorance en pleine tête. Mafia, comme la misère toscane, ou bien pire, celle de Palestine. Partout, pour des parts de terre, naissent les guerres intestines. Des trafics d'organes aux entrées clandestines. Qui tire les ficelles ou fait que le luxe fascine. Limousine fraîchement sortie d'usine. Caviar dans les cuisines. Salon avec vue sur piscine. Sans discipline, l'imagination a causé plus d'une ruine. Là où la pauvreté calcine, les drogues assassinent. Lancinée par la routine, elle déprime et bassine. Stopper le crime, c'est couper le mal à la racine. La vie n'est pas radine. Plus on bouge et plus son talent se raffine. La famille vient des hommes, ne reproche pas à Dieu la famine. Mafia, mafia, mafia, mafia. Ali est avec nous et ce morceau qui s'appelle Mafia. Qu'est-ce qui t'avait poussé d'ailleurs à écrire là-dessus à l'époque quand tu avais fait ce morceau il y a 5-6 ans maintenant ? Il y a beaucoup de choses, tu vois. Déjà à l'époque Time Bomb, on avait la fameuse époque Black Mafia. Black Mafia, ouais. Tu vois. Et c'était encore pour remettre les choses dans l'ordre. C'était comme la transition, le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la part. Ouais, le crime est un piège, mon Dieu m'a fait lâcher la part. Et voilà, c'est la même transition. C'est un moment réexpliquer les choses. C'est comme aussi Génération Scarface, c'était prendre le truc à contre-pied et dire non, c'est pas une bonne chose, tu vois. Mais le dire d'une façon sans jugement, tu vois, avec une explication pour qu'on comprenne pourquoi, tu vois. Tu viens pas dire ouais, non, c'est pas bien. Et puis un côté historique, puisque tu reviens en effet sur. Côté historique. Dès le début, tu reviens sur le côté des premières mafias, enfin ce qu'on a appelé mafia. Bah, de ce que j'ai appris, après je vais pas me tromper aussi parce que l'histoire est précise, je suis pas historien, c'est que. Les premières mafias, c'était de la protection. Et c'était les Sarrasins qui ramenaient ça, qui venaient, les morts qui venaient, les Sarrasins, qui venaient, qui avaient des caravanes et qui se protégeaient entre eux. Et après, du fil, le terme a dû rester, mais en fait, après, c'est devenu un autre système de protection. Ouais, c'était autre chose qu'en protection. Les valeurs se sont inversées, tu vois. Et il y avait ce thème-là, et il y avait un autre thème aussi, c'était vraiment reprendre l'anacronyme MAFIA. Et morte à Francia Italia Elena, parce qu'à un moment la Sicile a été colonisée par la Bretagne ou la Normandie, si je ne me trompe pas, en tout cas par la France, le nord de la France. Donc il y avait une révolte contre la France, et donc c'était pour revenir sur le côté historique et dire que c'est pas l'image qu'on a aujourd'hui de la mafia. En fait, aujourd'hui la mafia, ce qu'on a, l'image, le synonyme qui a été en fait sali avec le temps, c'est du banditisme, tout simplement. Tu vois, c'est de l'organisation à deux bandits, tu vois, c'est du banditisme, et tout simplement. Alors qu'à la base, de ce que j'ai compris, le terme mafia, justement, n'allait pas dans ce sens-là. C'était comme, plus un truc d'entraide. Comme beaucoup de mots ou voilà, d'histoires qui parfois peuvent être détournées. Bien sûr. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Exactement. Ali, avec nous dans un instant, on va revenir. Qu'est-ce qu'on mettra, Ali, comme morceau On mettra quoi? Un extrait de Que la paix soit à Stretch. Zéro, tolérance zéro de K.O. et Harmony. Eh bah très bien, K.O. et Harmony, on se repenche sur l'album dans un instant. On va fêter les 10 ans, on en reparle dans quelques minutes. Bougez pas, c'est juste après ça, la suite du Planet Rap d'Ali. L'émission rap de référence Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est Planet Rap, en direct avec Fred sur Skyrock. Planet, Planet Rap. Ladies and gentlemen, Planet Rap. J'ai choisi Skyrock. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Planet Rap. Avec Ali sur Skyrock. C'est Planet Rap avec Ali, que la paix soit sur vous, sorti de l'album le 2 mars, en précommande dès maintenant aussi évidemment, et puis on se repenche sur un album qui fête ses 10 ans durant cette année 2015, ton premier album solo. Exactement, K.O. et Harmony. K.O. et Harmony, qu'on découvre, on redécouvre pour certains. On redécouvre et qu'on accompagne aussi avec de la fraîcheur, comme on en avait parlé les jours précédents. Il y a un événement qu'on essaie de mettre en place où des artistes issus du graffiti vont s'exprimer à travers les titres. On a déjà commencé avec Junkie qui a fait une œuvre par rapport à Rappel à l'ordre. Donc dans Rappel à l'ordre, pour expliquer un peu la thématique, pour ceux qui savaient, ceux qui connaissent un petit peu le côté yin et yang, et pour ceux qui vont découvrir justement le projet, K.O. Harmony, c'était noir et blanc, c'était vraiment, il y avait une teinte taoïste. Il y avait ce côté yin et yang pour expliquer le monde de la dualité. Donc on a respecté cet univers et tous les tableaux sont faits en noir et blanc. On a commencé le premier titre avec la phrase dans Rappel à l'ordre, la musique est un milieu de requins. Alors retiens, nous sommes des orques et des épaulards. Et donc on a fait une peinture avec un épaulard qui était en noir et blanc. Et on a gardé la thématique. Pareil pour Génération Scarface, on a repris... Le fameux portrait de Scarface, mais on a remplacé le flingue par une bombe de graffiti. Et voilà, donc on garde les thématiques noir et blanc et on avance comme ça. Et puis c'est une belle idée, je trouve, pour fêter les 10 ans, sachant. Ouais, c'est cool. Voilà. C'est cool. Donc ceux qui veulent nous rejoindre dans l'aventure, qui ont un talent qui sont des graffiti artistes, vous êtes les bienvenus. Et voilà, vous pouvez nous contacter sur le Facebook Ali 45 Scientifiques, vous laissez vos messages et on avance. Et qu'est-ce qu'on met alors, extrait de K.O. et Harmony, Stretch? Tolérance zéro. Tolérance zéro, pour l'instant, il n'y a pas de visuel qui corresponde au morceau, c'est pas encore tolérance fait. Tolérance zéro, non. Ouais, pas encore. Des idées, mais il y a des idées. Il faut proposer aux artistes si des idées et qu'ils acceptent. Et... Allez-y, vous pouvez balancer vos idées justement en termes de visuel autour de ce morceau. Écoutez-le, c'est Tolérance zéro sur Skyrock. Ah. intégriste. Je reste juste intègre, auprès, pourquoi cette terre triste. Cette vie n'est juste qu'un test. Intolérance, les tables que s'écrase la délinquance, force de respect. Des gestes aux phrases, les flics rappellent une ère malsaine de ségrégation, des plantations de coton. S'évacuer la souffrance par le blues, des habitations de béton. Mon rap a pris le relais, mène à l'extase. Que les nazes retiennent bien, ma ville n'est pas Naples. N'accepte ni oppression, ni couvre-feu. En dehors du son, trouve-moi parmi ceux qui l'ouvrent peu. 12 mois sur 12, moi et mes pouces bougeons en silence. Le troisième œil ouvert, l'esprit en mode vigilance. Trop de poudre aux yeux, briseur d'illusions. J'attire l'attention comme de la foutre dans les cieux. Ni intégré, ni intégriste. Je reste juste intègre, auprès. Pourquoi cette ère triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro. Tolérance zéro, zéro. Ni intégré, ni intégriste. Juste intègre, frais, pourquoi c'était triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Héros, t'as tourné le dos, plan B. Pour un mauvais plan de peu, deux, trois tafs. Et tu prends ton envol au sol. Les nœuds sont nombreux, ne pense qu'à plomber. De la nuque colombaire, dangereuse carrière. La jalousie s'exprime en t'abîmant le cartilage. En imprimant des impacts de balles sur le carénage. J'excris, parrainage écarté. Ma génération a le langage mafieux, mais de l'Italie n'a que Tacchini, Sergio à se foutre. Et les insultes des supporters pendant les matchs de foot. Et la France ne nous a pas épargnés. Au regard du bord, négro bicochois dans le même panier. Méprisé, alors je n'étais même pas né. Ma présence à les colonies pour cause, pour effet la pression dans le son. Sans agression dans le ton, car la paix est préservée dans le fond. J'insiste. Ni intégré, ni intégriste. Je reste juste intègre, auprès. Pourquoi cette ère triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro, intolérance au plus haut degré. Ni intégré, ni intégriste. Juste intègre, frais, pourquoi c'était triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro. La haine de l'ignorance a émergé. Pieds d'airain, cheveux de laine. Mais j'entraîne en marche d'un système où le racisme est hébergé. Ils se vendent d'avoir séparé l'État et le clergé. Mais dans nos mosquées, un planteur RG tente d'infiltrer, gérer ma foi. Mon entourage formé comme un seul corps, de leur grève a fait un rejet. Bref, trajet dans nos zones, jeunes noirs et décidés. Ma génération porte l'endurance dans les gènes, dans les chromosomes. Microphone chromé dans la paume de ma voix grave, ma foi comme Daouda dans les psaumes. Entretiens la marche avec Dieu et rappelle la doxologie du mieux que je peux. Je loue l'éternel, ma voix et ma musique en harmonie loue l'éternel. Allah entend ceux qui le louent. Je n'ai intégré ni intégriste. Je reste juste intègre, auprès. Pourquoi cette ère triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Tolérance zéro, intolérance au plus haut degré. Ni intégré ni intégriste. Juste intègre, auprès. Pourquoi cette ère triste? Cette vie n'est juste qu'un test. Pour mes négros et picots, c'est tolérance zéro, zéro, zéro. Tolérance zéro, c'est sur l'album K.O. et Harmonie d'Ali, un album qui fête ses 10 ans. Et pareil, là, l'idée, c'était aussi prendre le terme tolérance zéro, qui est constamment, d'ailleurs, même encore 10 ans après, appliqué par les politiciens, en disant la tolérance zéro sur tout, d'ailleurs. Mais c'est bien, tu vois, c'est très bien de réécouter ces morceaux, et 10 ans après, et c'est très important d'avoir du recul sur la vie. Tu sais, c'est un album que j'ai fait quand j'avais 30 ans. Et je reconnais les cases de la dualité. Ça veut dire que, tu vois, c'est bien qu'on a enchaîné ce titre et ça permet encore de développer, d'avancer. Quand on a fait Mafia, bah, après j'ai compris le terme Mafia, tandis que dans celui-là, on avait le langage mafieux, mais pas aussi bien compris. Et aussi dans un sens de case, tu sais, on était, comme on en parlait, tu sais, dans l'instinctif et la rage, tu vois. On répondait à des insultes de footballeurs dans les stades de foot et on mettait tout le monde dans le même sac. Alors que Dieu merci, depuis j'ai voyagé, j'ai été en Italie, il y a des gens adorables là-bas. Ouais, bien sûr. La Toscane, c'est une super belle région. J'ai un de mes amis vraiment très proche, Luca Di Fadio, que je salue, tu vois, et Laurent Micucci. Et tu vois, c'est vraiment ce thème de case. Et je pense qu'il y a un certain âge où, tu sais, tu te prends des mauvaises énergies et tu les vis mal. Et malheureusement, tu mets tout le monde dans le même sac. Et ça permet de prendre du recul et de le voir. Et donc, je profite d'avoir un micro en face de moi, de pouvoir parler à une grande audience. Ne mettez pas les gens dans les cases. Hausse. Mmh. Peu importe le mal que vous avez fait, qu'on vous a fait, ne mettez pas les gens dans les cases. C'est pas forcément, c'est pas KO Harmony, c'est pas noir et blanc. Il y a un juste milieu. Cherchez-vous déjà à vous comprendre vous-même, à vous rassembler, essayez de comprendre à l'intérieur pourquoi ça me fait mal. Et c'est pas tout le monde, c'est pas comme ça. C'est pas, il y a des gentils, des méchants, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. La vie est un peu plus complexe. Heureusement, c'est ce qui la rend belle. Donc, voilà, je suis content parce qu'il y a une logique dans ce parcours, tu vois. Toi, t'as beaucoup voyagé, justement, ça t'a ouvert déjà beaucoup de par les concerts, oui. De par les concerts, hein. Tu vois, j'ai été dans plusieurs villes en France. C'est déjà quitter Paris, tu sais, ça te fait voyager. Hein. Après, aller en Belgique, aller en Suisse, aller dans des pays francophones et voir une autre couleur de la francophonie, ça te fait aussi voyager, tu vois. Aller en Allemagne, où c'est une culture totalement différente, ça te fait voyager. Voilà, donc le voyage, il n'est pas si loin, tu sais, il ne faut pas s'inventer des exotismes. Des fois, c'est juste sortir de sa bulle. Et le fait d'avoir voyagé, d'être parti en Italie, je t'avoue que plus jeune, ça a été dur. On a eu un peu de difficulté à aller là-bas. Tu vois, certaines régions, on n'a pas été bien accueillis. Mais je comprends aussi le regard des autres. On est des jeunes qui viennent, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais quand je suis revenu en famille, avec ma femme, mes enfants, là, tu sais, les gens, ils voient que... t'es quelqu'un de familial, donc il y a un regard différent. Et moi, après, ça me permet d'avoir un recul et de me dire non, c'est pas des cases. Et c'est ce qui me permet d'écrire autre chose, tu vois, plus tard. Toi, sur tes racines, justement, sur le Maroc. Sur le Maroc, exactement. Bah, t'y allais souvent, justement, quand t'es gamin J'y allais souvent. Mmh. Et c'est aussi des parcours, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre par rapport aux racines et au voyage. Et à la connaissance de l'autre. Par exemple, nous, on traversait l'Espagne pour aller au Maroc. Mmh. Donc, on était des passagers. Il y avait des zones de passage où à un moment, ça suffit. Ils s'arrêtent pas, tu vois. Mmh. Et il y avait d'autres zones. Par exemple, à Barcelone, c'était beaucoup plus détendu. Et il faut comprendre la culture aussi. Quand tu passes, par exemple, par Madrid, c'est très, très sec. Tu vois, le climat, il est sec. Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, ça joue sur... Il y a un impact qui joue sur l'humain. Quand tu prends le côté maritime... C'est plus détendu, c'est plus festif. Ouais, donc c'est une ouverture. Il y a une autre ouverture. Donc, ça, c'est des choses que tu apprends avec le temps. Que ton environnement impacte sur ta mentalité. Et après, le Maroc, bien sûr, c'est la porte ouverte sur l'Afrique. C'est profond. C'est des cultures différentes, mais très profondes. C'est ma famille, c'est mes grands-parents, c'est mes cousins, c'est mes cousines, c'est mes tantes. C'est des souvenirs. J'en parle dans On ne s'oublie pas. Et voilà. Tu ressentais quoi d'ailleurs quand t'étais au Maroc? Je parle un peu plus gamin parce que c'est vrai que on le voit encore même ici, constamment ce rapport, le problème d'identité, tout ça, même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais de se sentir un coup français ou pas trop français, plus marocain, plus les origines. Toi, personnellement, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais de mon expérience, quand t'es petit, tu le sens pas. Après, c'est quand tu grandis, que t'arrives à un certain âge et que t'as un parler un peu accentué ou très cassé, ça y est, là, c'est la différence et la force aussi de la langue, c'est quelque chose qui rapproche les gens. Parce qu'il y a une compréhension et le fait de se comprendre, je pense qu'au-delà des cultures, c'est la compréhension. Parce qu'il y a cette profondeur, on va dire, universelle, c'est la communication. Et pour que ça passe, il faut que ça soit déjà fluide au parler. Donc, ça crée forcément des petits freins. Donc, je comprends aussi une fois de plus, comme j'ai réussi à comprendre avec le temps qu'en Italie, non, il y a mes frères en humanité là-bas, mes frères en humanité en Espagne, il y a mes frères en humanité au Maroc, il y a mes frères en humanité en Guinée quand je suis allé en Guinée. Et le voyage, ça te permet d'apprendre de ça. De s'ouvrir là-dessus, ouais. Exactement. Ali, avec nous, dans un instant, on mettra peut-être dialogue. C'est ça, qu'est-ce qu'on avait prévu de dialogue, oui, exactement. Dialogue dans quelques minutes. Pour approfondir le thème, exactement. Juste avant, c'est Marocco 26 de Valence. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi? Là, tu en parlais du Maroc à l'instant. Ben voilà. Ouais. Sénégal, Mali, Maroc, Ali. Paix à l'Italie, tu vois, même là, regarde, je change le lyrique, ça veut dire. Ah ouais, tu rechanges, ouais, c'est vrai. Paix à l'Italie. Maroc, comment va? Ça va, au calme, hein, tranquille. Hein. Bon, tu connais Ali? Ah bah ouais, heureusement. Le parcours d'Ali avec un nouvel album qui arrive là la semaine prochaine, le 2 mars. Et toi, ça va être lourd. Et toi, toi qui viens freestyler, on t'écoute, Maroc, c'est parti? Ok. Allez, session freestyle par téléphone. Viens, prends ton plat, plombeur. Fais le M, tu me reconnais. Viens. Ça fait. Smash. tuer. Toujours le même, pas de mixtape, mais je sors YouTube. Mes concurrents sont dans le film, pendant que ça tape au sud. Vous êtes en décalage, t'auras beau tourner la page. Trop d'MC en pâturage qui te raconte que des salades. Je suis au-dessus, t'es en dessous, on ne sort pas déçu. Depuis qu'il peut, moi je vais les tours, alors tu pas d'ici. On est des milliers, attirés par millions. On tourne le rap au millimètre pour un futur plus mignon. Mesdames, messieurs, restez attentifs et type. Quand je déboule en prise, c'est je vise 1000 mètres et c'est kiff. C'est mal et de la gauche, ça règle tous les jours. Fais péter les cours en espérant trouver un tour et bouge. Quand c'est la haine, c'est l'oubli, la haine, c'est mal et sous. Quand tout va bien, on dit hamdoulah et puis c'est tout. Il faut les sous, il faut les sous. Crois dans ton black, blanc, beurre, il faut des sous. Yeah. Ok, Marocco, à l'instant. Très technique, c'est bien. Très ça, technique. Une bonne technique, c'est bien. Marocco 26. Merci. Très technique. Et eh ben merci d'avoir été avec nous. Un petit message à passer, ouais, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi? Je voulais faire passer un petit message, un gros big up à tous ceux qui me soutiennent, à toute mon équipe, TMTBM, BDK Crew, et aussi pour tous les gens qui veulent me suivre sur ma page Facebook, Marocco 26, Twitter, Marocco BDK Crew. Et voilà, on va avancer, Inch'Allah, ça avance bien. Amen. Eh bah bonne chance à toi en tout cas Marocco. Bah merci à vous. On te merci suit. Marocco. A plus Marocco. Allez. Cette semaine c'est Ali notre invité avec l'album qui arrive lundi, Que la paix soit sur vous, et un morceau qui s'appelle Dialogue. On le balance maintenant? Oui. Allez, c'est parti sur Skyrock. La vie n'est pas un monologue, adorateur du créateur, commandement 1 du décalogue. Du chemin que se poussent les démagogues. Nos gosses n'ont pas besoin de mythos mais de bons pédagogues. Pas de paix face à Gog et Magog, mon corps vogue, l'esprit aiguisé comme Ghost Dog. Pas de ces beaucoup de tragédies à la Van Gogh. Vers la porte de l'éternité, nos destins s'engagent. Salam dans les mosquées, shalom dans les synagogues. Seuls les cœurs sincères sont ouverts au dialogue. L'ami, la vie n'est pas un monologue. Salut à mes homologues, scientifiques près des astronomes, loin des astrologues. Livre céleste, tout est écrit, de nos paroles à nos gestes, de la préface jusqu'à l'épilogue. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi avant même d'arriver ici-bas. Dès le début, Iblis nous combat. Tant de coups bas, j'encaisse en silence avec la grâce d'un boxeur de Cuba. J'ai l'art de la guerre comme un guerrier Nouba. Bâtisseur de la paix, d'ici à Cuba. Loin des endroits où être mauvais n'est plus un tabou. Celui que tu es devient celui qui t'abat. Le venin des hommes est pire que celui d'un mamba. Paris a le stress comme Rio à la samba. Les ennemis se battent pour le dernier mot du débat. Il en est ainsi de l'Assemblée jusqu'au Sénat. Ni de l'ENA ni de Sciences Po. J'ai partagé les bancs avec X-Men et les sages Po. Salut à mes homologues. Dialogue. La vie n'est pas un monologue. Dialogue. Salut à mes homologues. Dialogue, c'est extrait de l'album Que la paix soit sur vous, album qui arrive le 2 mars prochain avec Ali, notre invité. Bon, attention, question philo. Est-ce que le dialogue est possible avec tout le monde? Ali, selon toi, toi qui as voyagé, qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup lu. C'est tout le monde, on peut pas. Est-ce qu'on peut dialoguer avec tout le monde? On peut essayer de dialoguer avec tout le monde, déjà c'est un effort. Et après quand on voit que ça marche pas, bon, on arrête de parler tout simplement. Et après, c'est clair qu'on peut débattre avec tout le monde, c'est beaucoup plus simple. C'est une facilité, mais dialoguer avec tout le monde, déjà il faut le vouloir. Parce que vouloir dialoguer avec tout le monde, ça crée une ouverture. Après, c'est clair que pour moi, c'est simple. Tu vois, l'être humain, il y a quelque chose d'essentiel qui nous regroupe. Tu vois, c'est les choses essentielles de la vie. C'est la base, c'est vouloir vivre tout simplement. Mmh. Les besoins qu'on a, les besoins primaires, on en a tous besoin. Donc ça nous met tous d'accord. On mange pas, on meurt. Ouais. Donc, à un moment, il y a une communication qui se crée. Deux gens qui se détestent sur une île déserte, ils vont à un moment devoir s'entraider et essayer de trouver un dialogue. Donc disons que nous sommes dans une île déserte et que ça va très mal en ce moment et que ça peut être très mauvais pour nous deux, on se doit de dialoguer. Maintenant, la vraie question, elle n'est pas de savoir est-ce que tout le monde peut dialoguer, est-ce que tout le monde veut dialoguer. Je pense qu'il y a des gens qui veulent dialoguer et d'autres qui ne veulent pas dialoguer. Je pense que la réponse est plus simple comme ça que de dire simplement est-ce qu'on peut dialoguer avec tout le monde. Et ça, c'est trop vaste. On est 7 milliards d'êtres humains. Il y en a, ils veulent pas parler. Il y a des introvertis, il y a des gens déprimés, dépressifs qui veulent pas parler, qui psychologiquement c'est pas le moment de parler. Donc déjà sur ce point-là, on sait déjà qu'on c'est pas le moment de dialoguer avec tout le monde à certains moments. Ça peut changer avec certaines personnes. À un moment, on pourra dialoguer avec un autre moment, non. Mais en général, je pense que le plus simple, c'est de savoir qui veut dialoguer, qui ne veut pas. Et là, des gens simplifient. Bon, et en l'occurrence, toi, est-ce qu'à un moment tu voulais pas dialoguer? Est-ce que dans ta vie, il y a eu un moment, voilà. Bien sûr. Ce refus de. Bien sûr. Moi, je pense ça, je vais être avec les gens qui pensent comme ça. Pas à ce point-là, tu sais, c'est plus un autre point de vue. C'est plus, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tu vois? J'ai pas envie de me prendre la tête. De toute façon, ça en finit jamais. Donc, à un moment, les choses naturelles se font. Et les gens qui veulent dialoguer, tu les rencontres à un moment sur ton chemin et t'apprends par expérience avec qui. Ça passe bien, il y a du feeling qui se crée et ça tu l'apprends avec l'âge. Donc je pense que pour répondre simplement à ce que tu dis, est-ce qu'on peut dialoguer avec tout le monde, ça on peut pas le savoir, c'est trop vaste, l'être humain est trop complexe et chaque individu, déjà un individu est très complexe, mais est-ce qu'on veut vraiment dialoguer? C'est vraiment ça. Et c'est bien qu'on parle de ça parce que voilà, il y a beaucoup de conflits, on est dans des périodes de tension partout. C'est une marche mondiale qui va vers ça. Je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait des gens qui, au-delà de vouloir dialoguer, veulent profondément la paix. C'est-à-dire que vos histoires de guerre, on n'en veut pas. C'est bon, on en a déjà connu deux avant. C'est horrible. On a connu Hiroshima. C'est horrible. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent appuyer sur un bouton et t'éliminer très rapidement. Très rapidement, des milliers de personnes. Il faut qu'à un moment, ben, il y ait un mouvement qui se crée. On n'en veut pas. On veut vivre en paix. Et là, ça devient intéressant. Est-ce que ce sera une prolongation peut-être un jour pour toi aussi, au-delà des albums, de ce que tu feras? Ça passera par une association, par. Je pense pas. Par un mouvement. Le milieu associatif, tu sais, j'avance vraiment par rapport à mon environnement, à ce que je connais. Ça veut dire qu'un coup, tu peux aider déjà ceux que tu connais. Parce que des fois, on essaie de voir loin. Il faut être sur tous les terrains en fonction de ses moyens, tu vois, de sa réalité. Il y a du bénévolat, il y a de l'aide, il y a des professionnels de l'aide aussi. Donc moi, à mon échelle, ce que je peux faire déjà, au jour d'aujourd'hui, c'est à mon échelle. C'est autour de moi, des choses simples. Après, sur le long terme, un coup, j'ai les moyens d'aider, mais c'est un bonheur de pouvoir le faire. C'est un bonheur, mais dans l'actualité, c'est pas quelque chose qui est ancré, formaté, ça doit être comme ça. Un coup, ça peut se faire, et ça doit se faire avec des gens de bonne volonté. Bien sûr, ça fait partie de l'épanouissement aussi de l'humain. Ali, avec nous tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 avant de se quitter pour ce soir. Ali, on va faire tourner la roulette et revenir aussi demain entre 20 et 21 avec une grosse soirée qui se prépare. Je dis ça d'ici la fin de semaine, il y aura un titre inédit de l'album aussi qu'on vous balancera. Et c'est demain ou vendredi la soirée avec la partie beatmaker. Le beatmaking c'est demain. Beatmaking c'est demain. C'est donc pour jeudi soir. Voilà. Loupez pas, il y aura toute une installation dans le studio. Et on vous dit demain. Donc je vous rappelle que nous on est en train d'enregistrer l'émission. C'est vrai, ouais. Non, mais ça c'est quelque chose sur lequel tu tiens justement. Ouais. Et c'est important de le dire. C'est vrai que c'est ma semaine de vacances. Bonnes vacances. Merci, profite bien. Merci. Mais j'écoute d'ailleurs tous les soirs Planète Rap. Je m'écoute avec toi. C'est cool. C'est pas mal hein, ce qu'on fait. Je suis content. Très content. Et donc voilà, ouais, non, mais c'est important de le préciser. En effet, on a enregistré cette semaine, la semaine juste avant le Planète Rap d'Ali. Donc on espère qu'il n'y ait pas trop de choses graves dans l'actualité. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et qu'on se rassemble tous autour de cet album qui s'appelle Que la paix soit sur vous. Allez, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre le jeu The Order 1886, plus la PS4 qui va avec. Manon de Leilero, ça va bien Manon? Salut Fred, salut Ali. Salut. En pleine forme salut, Manon. Salut l'équipe, ouais ça va, nickel. Tu es prête à faire tourner la roulette? Bien sûr, je suis prête, ouais. Allez on y va, dès que tu veux tu dis stop, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... The Order 1886. The Order 1886. Et peut-être aussi parfait pour toi la possibilité de repartir avec la PS4 demain matin avec Vincent dans le nickel morning de Diffou, la pas loupée, entre 6h et 9h. C'est pour toi. Ok, merci. Je peux faire une dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une grosse dédicace à Chouchoune, à Marine, à Céline, Virginie, Ilse, Noura, Soraya, mon chéri et Sonia, et puis à vous Skyrock. Merci et bah, bisous beaucoup. Manon, ciao. Merci salut, beaucoup, ciao. Salut. Merci. Tu vois, le dialogue est possible, c'est ça aussi que j'aime bien, parce que c'est vrai qu'on focalise sur des trucs, mais quand j'entends Manon qui dédicace une Soraya, qui dédicace voilà, plein de prénoms différents, voilà, on vit, et c'est important de le rappeler, tu le rappelles avec ton album, on vit quand même tous ensemble. Alors bien sûr qu'il y a des difficultés, bien sûr que c'est pas simple au quotidien, mais ce serait bien de mettre ça plus en avant aussi, parce qu'on focalise souvent sur les tensions entre communautés, entre groupes, entre couleurs de peau, entre tout ça, mais on vit quand même au quotidien, et moi j'ai quand même la chance d'être sur cette radio, d'avoir aussi pouvoir plus ressentir ça ici à Skyrock depuis une vingtaine d'années. Voilà, c'est cool. C'est cette façon de vivre ensemble, ce côté vivre ensemble qu'on a tendance de temps en temps à mettre de côté en disant non, ça existe pas, c'est pas possible, machin et tout. Bah la preuve en est, voilà, quand Manon fait des dédicaces pour Soraya, pour Pierre, pour Louis, pour n'importe qui, voilà, c'est une belle preuve. Le vivre ensemble, il commence vraiment par l'intention. Tu vois, il faut pas que ça soit un vivre ensemble de merchandising comme certaines marques de vêtements l'ont fait à un moment. On va vous mettre tac tac tac. Faut que ça soit naturel. Tu vois, une fois de plus, c'est un rapport de cœur. Parce qu'un coup, c'est pour dire vivons ensemble, mais juste pour avoir des stats et des chiffres derrière, c'est pas beau du tout. C'est horrible. Mais avoir un vivre ensemble sincère et de cœur, c'est magnifique. Et là, on va vers une élévation et quelque chose de beau. Bon, bah, je crois que c'était le cas avec Manon et c'est notre cas en tout cas ce soir. Merci. Et demain soir aussi et tous les jours de la semaine. Merci Ali. Merci à toi Fred. Merci à vous tous d'avoir suivi ce Planète Rap. Demain, rencard donc à pas louper. Grosse soirée avec du beatmaking pour tous ceux qui kiffent justement. On va faire des sons en direct. Exactement. Ce sera demain entre 20 et 21. Exactement. Merci à Stretch qui était là. Merci Ali. On se retrouve demain 20h-21h. Pour la suite du Planète Rap avec Ali, et là on retrouve D-Fool, c'est parti, c'est la radio libre. Oui, c'est parti, ça va être très chaud Fred ce soir, très très... Oh là là, mais l'ambiance est déjà chaude, je le sens. Ouais. Vous savez que c'est je moi vous aime. Oh mais Romano est là, Marine fait des bisous. Ouais. Moi aussi je fais des bisous. Oh non, c'est... non mais on n'en veut pas. Et nous on dégueule. Ça fait des bisous partout. Dans un instant, il faut que je vous parle de Nina, la première de la soirée. On va reparler. Elle est très, très, très, très inquiète, Nina. Mais pour un truc très, très chaud, vous allez voir. Absolument, oui. Absolument. Oui, c'est un peu ça. Mais on vous en dit plus tout de suite. On arrive de toute façon. Hein. Vous bougez pas. Radio Libre, c'est parti dans une minute.